La mer, par Gérard de Nerval. Chapitre 1er. Je contemplais la danse des blanches vagues, ma poitrine se gonfla tout à coup comme la mer, et je fus pris d'une profonde nostalgie en songeant à toi, douce image, qui plane partout au-dessous de moi, et partout m'appelle, partout, partout, dans le bruit du vent, dans le mugissement de la mer et dans les soupirs qui s'échappent de ma poitrine. Avec un frêle roseau, j'écris sur le sable « Je t'aime ». Mais les méchantes vagues s'épandirent sur ce doux aveu et l'effacèrent. Fragile roseau, sable mouvant, flot dissolvant, je ne me fierai plus à vous. Quand le ciel s'obscurcira, mon cœur sera plus farouche. Et d'une main vigoureuse, j'arracherai le plus haut sapin des forêts de la Norvège, et je le plongerai dans la gueule enflammée de l'Etna, et avec cette gigantesque plume imbibée de feu, j'écrirai à la voûte obscure du ciel, Agnès, je t'aime. Toutes les nuits luiront là-haut les éternels caractères de flamme, et les générations futures liront en poussant des cris de joie ces mots célestes, Agnès, je t'aime. Chapitre 2e. La mer a ses perles, le ciel a ses étoiles, mais mon cœur a son amour. Grande est la mer et grand le ciel. Mais plus grand est mon cœur, et plus beau que les perles et les étoiles, brille et rayonne mon amour. Petite, jeune fille, viens sur mon vaste cœur. Mon cœur et la mer et le ciel se consument d'un pur amour. À la voûte azurée du ciel où brillent les belles étoiles, je voudrais coller mes lèvres dans un ardent baiser et verser des torrents de larmes. Toutes ces étoiles sont les yeux de ma petite bien-aimée. Ils brillent mille fois et m'envoie de gracieux saluts de la voûte azurée du ciel. Vers la voûte azurée du ciel, vers les yeux de la bien-aimée, je lève dévotement les bras et je prie et j'implore. Doux yeux, gracieuse lumière, donnez le bonheur à mon âme, faites-moi mourir, et que je vous possède, vous et tout votre ciel. Les célestes yeux qui brillent là-haut tombent en tremblant des étincelles d'or à travers la nuit, et mon âme s'ouvre à l'amour de plus en plus. Ô célestes yeux qui brillez là-haut, vous répandez des larmes dans mon âme, et mon âme déborde des pleurs étincelants des étoiles. Bercé par les vagues et par mes rêveries, je me couche tranquillement dans un coin obscur de la cajute. À travers la lucarne ouverte, je regarde là-haut les claires étoiles, les chers et doux yeux de ma douce maîtresse. Les chers et doux yeux veillent sur ma tête, et ils brillent et clignotent de la voûte azurée du ciel. À la voûte azurée du ciel, je regardais heureux durant de longues heures, jusqu'à ce qu'un voile de brume blanche me déroba les doux yeux. Contre la cloison où s'appuie ma tête rêveuse, viennent battre les vagues furieuses. Elles bruissent et murmurent à mon oreille, « Pauvre fou, ton bras est court et le ciel est loin, et les étoiles sont solidement fixées là-haut avec des clous d'or. » Vain désir, vain soupir, tu auras mieux fait de t'endormir. Je rêvais d'une vaste lande toute couverte de froide et blanche neige, et sous la neige blanche, j'étais enterré, et je dormais du froid et solitaire sommeil de la mort. Pourtant, là-haut, de la claire voûte du ciel, les étoiles, doux yeux de ma bien-aimée, contemplaient mon tombeau, et ils brillaient d'une sérénité victorieuse et calme, mais pleine d'amour. Chapitre 3e. La tempête fait rage et fouette les vagues, et les flots, écumant de fureur, s'irritent et se cabrent. Il se forme une blanche montagne liquide. Le petit navire l'escalade d'un bond vigoureux, et il retombe tout à coup dans l'abîme sombre et béant de la mer. Ô mer, mère de beauté, de Vénus sortie de ton sein couverte d'écume, grand-mère de l'amour, épargne-moi. Déjà volette, flairant des cadavres, la blanche et fantasmatique mouette, elle aiguise son bec au grand mât et convoite, affamée de proie, ce cœur qui retentit de la gloire de ta fille et que ton fripon de petit-fils a choisi pour jouet. Vainement je prie et j'implore, mes cris se perdent dans le fracas de la tempête, au milieu des assauts du vent. Cela bruit et siffle et mugit et hurle comme un hôpital de fous philharmoniques. Et à travers tout cela, je distingue les sons enchanteurs d'une harpe, des chants langoureux qui charment et déchirent l'âme, et je reconnais la voix. Au loin, sur les falaises d'Écosse, à la fenêtre ogivale de ce petit château gris qui domine la mer, se tient une belle et mélancolique jeune femme, dont la peau délicate a la transparence de l'opale et la blancheur du marbre. Elle joue de la harpe et chante, et le vent déroule ses longues boucles de cheveux et porte sa chanson incertaine sur l'immensité de la mer orageuse. Chapitre 4e. La mer est calme. Le soleil reflète ses rayons dans l'eau, et sur la surface onduleuse et argentée, le navire trace des sillons glauques. Le bosseman est couché sur le ventre, près du gouvernail, et ronfle légèrement. Près du grand mât, raccommodant des voiles, est accroupi le mousse goudronné. Sa rougeur perce à travers la crasse de ses joues. Sa large bouche est agitée de tressaillements nerveux. Et il regarde tristement avec ses grands beaux yeux. Car le capitaine se tient devant lui, tempête et jure et le traite de voleur. « Coquin, tu m'as volé un hareng sur la tonne !» La mer est calme. Un petit poisson monte à la surface de l'onde, chauffe sa petite tête au soleil et remue joyeusement l'eau avec sa queue. Cependant, du haut des airs, la mouette fond sur le petit poisson et sa proie frétillante dans le bec s'élève et plane dans l'azur du ciel. J'étais couché au bord du vaisseau et je regardais, les yeux rêveurs, dans le clair miroir de l'eau, et je regardais de plus en plus avant, lorsqu'au fond de la mer j'aperçus, d'abord, comme une brume crépusculaire, puis, peu à peu, avec des couleurs distinctes, des coupoles et des tours, et enfin, éclairée par le soleil, toute une antique ville belge remplie de vie et de mouvement. Des hommes âgés enveloppés de manteaux noirs avec des fraises blanches et des chaînes d'honneur, de longues épées et de longues figures, se promènent sur la place du marché, près de l'hôtel de ville auquel conduit un grand escalier et où des empereurs de pierre veillent avec des sceptres et des épées. Non loin de là, devant une longue file de maisons aux vitres brillantes, sous des tilleuls taillés en pyramide, se promènent, avec des frôlements soyeux, de jeunes femmes, de sveltes beautés dont les visages de rose sont décemment enveloppés de coiffes noires et dont les cheveux blonds ruissellent en boucles d'or. Une foule de beaux messieurs, costumés à l'espagnol, se panade près d'elles et leur lance des œillades. Des femmes âgées, vêtues d'habits bruns et hors d'âge, un livre d'or et un rosaire dans les mains, se dirigent à pas menus vers le grand homme, attirés par le son des cloches et le bruit de l'orgue. À ces sons lointains, un secret frisson s'empare de moi. D'infinis désirs, une profonde tristesse envahissent mon cœur à peine guéri. Il me semble que mes blessures, pressées par des lèvres chéries, saignent de nouveau. De chaudes, de rouges gouttes tombent lentement, une à une, sur une vieille maison qui est là, dans la ville marine, sur une vieille maison aux pignons élevés, qui semble veuve de tous ses habitants, et à une fenêtre basse de laquelle, cependant, une jeune fille assise appuie sa tête sur son bras, comme une pauvre enfant oubliée, et je te connais, pauvre enfant oubliée. Si loin, au fond de la mer même, tu t'es caché de moi, dans un accès d'humeur enfantine, et tu n'as pas pu remonter, et tu t'es assise, étrangère parmi des étrangers, durant un siècle, pendant que moi, l'âme pleine de chagrin, je te cherchais par toute la terre, et toujours je te cherchais, toi, toujours aimée, depuis si longtemps aimé, toi, que j'ai retrouvé enfin. Je t'ai retrouvé et je revois ton doux visage, tes yeux intelligents et aimés, ton cher sourire. Et jamais je ne te quitterai plus, et je viens à toi, et les bras ouverts, je me précipite sur ton cœur. Mais le capitaine me saisit à temps par le pied, et me tirant sur le bord du vaisseau, me dit en riant d'un ton bourru, « Docteur, êtes-vous au diable ?» Chapitre 5e. Reste au fond de la mer, rêve insensé qui autrefois la nuit a si souvent affligé mon cœur d'un faux bonheur et qui encore à présent, sous la forme d'un spectre marin, vient me menacer en plein jour. Reste là, sous les ondes, durant l'éternité. Et je te jette encore tous mes maux et tous mes péchés et la maraude de la folie qui a si longtemps résonné autour de ma tête et la froide et luisante peau de serpent de l'hypocrisie qui m'a si longtemps entouré l'âme, mon âme malade, reniant Dieu et les anges, mon âme maudite. Oh, oui, oh, voici le vent, dépliez les voiles, Elle flotte et s'enfle. Sur la surface paisible et meurtrière, le vaisseau glisse, et l'âme, délivrée, pousse des cris de joie. Enfin, je m'embarque pour l'infini. Ainsi s'achève La mer, par Gérard de Nerval.